longtemps pensé que nous vivions dans un asile à ciel ouvert. Avec du recul, j'ai découvert qu'on est tous de la même planète, mais pas du même monde. Votre dimension n'est pas nette, la mienne est profonde. En plongée constante, vu qu'à la surface, l'apparence trompe. On sait plus qui est vivant. Je suis du même avis que David Vincent. L'argent liquide entame sa disparition. Une ancienne espèce est en voie d'apparition. Venue d'une galaxie lointaine sans émotion, ni notion du bien, du mal. Attention au conflit final. À ce rythme, on sera bientôt les derniers amis. Visiteurs impolis, passagers en escale venus lâcher bombes atomiques. Cette terre n'est pas la nôtre pour la détruire ainsi. J'y vois passer en étoile filante les chanceux qui ne sont pas. Les gens sont fous. épreuves pour essayer d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. On a chacun notre rêve, on se bat tous les jours de son trait pour essayer d'atteindre les buts que l'on s'est fixés. Je te laisser vers ma calame, ton regard fixe vague à l'âme, tes idées noires remontent enflammées. vie est belle. Un voilier, même un yacht. c'est la mer que l'on voit, son onde lancinante. Un baiser sur le sable et l'amour indicible est certes périssable puisqu'il décide d'oublier les orages, de rejouer la belle. Et même si c'est dommage, ainsi soit-elle, la vie est belle. Thank you. Warren G. Thank you. I take a break too. Bye bye. Yeah, fun. With shitty loops, fun, good fun. Can do good things.